J'adorais l'été en novembre. Je la réchaufferais pour pas qu'elle tremble. J'inventerais les mots du silence. Je lui ferai du bleu sur des mots tendres. J'apprendrai à vivre autrement. À sa façon et loin des gens. J'irai chercher l'inaccessible. L'infiniment sentimental. Pour elle. Pour elle. Pour elle. J'irai au plus profond des rêves qu'elle fait lorsqu'elle est endormie. Chercher ce que jamais s'élève n'oseront dire de ses envies. J'arracherai les habitudes. Les moments qui font goûter, on détruit les incertitudes, sans se parler. Pour elle, pour elle, pour elle. J'écouterai tout ce que son cœur dit. J'irai voler l'indispensable, l'extrême sentiment d'aimer. Je jetterai tout de mon passé pour faire de nous mon avenir. Peut-être simplement pour s'aimer. Peut-être pour ne jamais mourir. Pour elle. Pour elle. Pour elle. J'écouterai tout ce que son cœur dit. J'irai voler l'indispensable, l'extrême sentiment d'aimer. Pour elle. J'arrêterai le temps qui passe pour que plus jamais on oublie les caresses. Souvent s'efface ou qui s'enfuit. Pour elle. Pour elle. Pour elle. C'est hyper romantique tout ça, il chante pour elle, c'est-à-dire en deux mots en fait pour toutes les femmes et aussi pour Véronique Sanson que nous allons retrouver dans un instant avec Vancouver. Hey, si tu veux jouer tous tes morceaux préférés avec un seul doigt, avec Bon Tant Pis, tu peux y arriver. C'est nouveau, c'est facile, c'est le système 5 de Bon Tant Pis. Avec le clavier électronique Bon Tant Pis, tu as des tas de possibilités pour t'amuser. Vous revenez de Thaïlande et vous voulez en faire profiter vos invités. Mais c'est où la Thaïlande dans les livres de cuisine ? C'est dans J'aime cuisiner, le nouveau recueil de fiches qui, numéro après numéro, devient une véritable mine d'idées. Menu équilibré et inventif, recettes bien expliquées, séparées en opérations illustrées de photos, avec ici les conseils, là le minutage. Vous avez tout pour tout réussir en cuisine. Alors profitez de l'offre de lancement de J'aime cuisiner. Les deux premiers numéros pour 3 francs seulement, chez tous les marchands de journaux. Le Papa Noël, il existe! Mais oui, tu peux lui téléphoner ou Lumini Télé aux 3 Suisses jusqu'à dimanche. Ah, j'en étais sûre! Tu dis Papa Noël, c'est le mot de passe, et les 3 Suisses te feront moins 25% sur ton article préféré dans tout le catalogue jusqu'à la page 923. Et le joujou? Moins 25% aussi. Et ça te plairait s'il pouvait te livrer en 24 heures? Oh oui, mais pourvu qu'il n'attrape pas froid à cause de moi. Quelle est mignonne. Catalogue 3 Suisses, le chouchou. Je me sens inutile. Je ne sais plus trop quoi faire de ma vie. En rencontrant la misère, Stella rencontre la foi et tout bascule. Alors commence un voyage initiatique qui donne un sens à sa vie. Votre vie peut être utile à d'autres gens. La Voix de l'amour, une grande fresque romanesque en deux parties. Deuxième partie ce soir 20h50 sur France 2. Jamais venu. C'est difficile. Je choisis. Gilda, programme Chérie FM. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza! Em fevereiro, fevereiro tem carnaval. Tenho um fusco e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sambaby, sou um menino de mentalidade mediana. Pois é. Mas assim mesmo feliz da vida, pois eu não devo nada a ninguém. Pois é. Pois eu sou feliz, muito feliz, comigo mesmo. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Beleza. Em fevereiro tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Some baby, eu posso não ser um bad leader, pois é. Mas assim mesmo lá em casa todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam. Da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Abençoa por ter e pode por natureza. Mas que beleza! Em fevereiro tem carna. Eu tenho fogo e o viol. Sou planeta, é uma neja batere. Sou planeta, é uma neja batere. Eu sou planeta, é uma neja batere. Eu sou planeta. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Em fevereiro tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. A cuiquinha. Bibi, abençoado por Deus e bonito por natureza. Esse Bibi foi de campeão mundial. Em fevereiro tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Em fevereiro tem carnaval. Eu tenho fusca e um violão, sou flamengo e tenho uma nega chamada Teresa. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Écoutez le programme Chérie FM et vous avez bien raison. À partir de 10h, nous retrouvons Marie-Pierre Joanet. Mais pour l'heure, voici UB40. Bonjour. Zoran Kachavski sur Chérie FM. Ben, je joue un rôle metteur en scène dans le nouveau spectacle Charlotte de Turquie. Mon rôle, c'est un rôle super, magique, extraordinaire. Je joue ça très, très de l'intérieur. Mais magnifique. Quelle tête de con, ce Zoran. Oh là là, le cinéma, c'est vraiment un métier de tête de con et moi, j'aime pas les têtes de con. Bon, je suis peut-être génial. Allez, osons dire génial et puis voilà. Ma journée à moi, le nouveau spectacle de Charlotte de Turquheim avec le programme Chérie FM, tous les soirs au Théâtre Antoine. Location au 42 08 77 71 et 36 15 Chérie FM. Prenons un exemple idiot. Je vais chez Toys R Us acheter un petit canard en plastique. Hein ? Je le paye, je sors et là je fais 250 autres magasins de jouets pour trouver le même petit canard en plastique moins cher que chez Toys R Us. Au 251e, je le trouve enfin. Je retourne alors chez Toys R Us pour qu'il me rembourse la différence comme c'est écrit dans le magasin. Hein ? Un autre exemple ? Toys R Us, les jouets, c'est nous. Gérez-vous bien votre budget en achetant des bijoux de qualité tradition à un prix élevé ? C'était un communiqué de Florent Joaillier. Vous vous posez des questions ? Vous ne savez plus où vous en êtes ? Vous avez des problèmes de couple ? Maryse Ogi, médium, peut vous aider. Spécialisée dans les problèmes sentimentaux, Maryse Ogi s'engage par écrit sur les résultats. En moins de 3 mois, tout peut s'arranger. Maryse Ogi se déplace à domicile ou reçoit à son cabinet. 15 avenue Victor Hugo à Paris. Appelez en toute confiance au 34 46 83 00. 34 46 83 00. Il y a ceux qui cherchent désespérément un appartement, qui marchent d'une agence à l'autre, qui font des kilomètres sans rien trouver. Et puis il y a ceux qui, depuis leur fauteuil, tapent 3615 Logez-vous sur leur Minitel et trouvent l'appartement de leur rêve. Le 3615 Logez-vous, ce sont chaque jour des centaines de nouvelles offres de logement sur toute la France, du studio à la villa et à tous les prix. Le 3615 Logez-vous, ce sont des offres de logement en vente ou en location et les conseils des professionnels. 3615 Logez-vous pour trouver rapidement et efficacement un logement. L'emploi, c'est tous les matins sur le programme Chérie FM. Vos droits, votre carrière, vos démarches. Gilles Allais répond aux questions qui vous préoccupent. Vos questions, Chérie FM, 75 783 Paris CEDEX 16. Mes réponses, demain matin. La chronique emploi, c'est demain matin sur le programme Chérie FM. Il était une fois, il y a des millions d'années, une terre, alors peuplée d'étranges espèces. Pendant plus de 160 millions d'années, ils ont régné sans partage sur la terre. On les appelait les dinosaures. Aujourd'hui, les dinosaures reviennent sur le 3615 Chérie FM, chargés de cadeaux. Les dinosaures envahissent le 3615 Chérie FM. Je répète, les dinosaures envahissent le 3615 Chérie FM. Gilda, programme Chérie FM. Tous aller se réchauffer à Kingstown, ça va être bien, tiens. Sur le programme Chérie FM, nous retrouvons Marie-Pierre Joannet, puisqu'il est 10h. Marie, aujourd'hui, répond à un courrier, un de votre courrier. Alexandra, réponse courrier aujourd'hui. Claire de Bordeaux demande pourquoi nous, les femmes, aimons tant les bonbons, le chocolat et tout ce qui est sucré. Alors Claire, c'est une histoire d'hormones. C'est ce qu'ont constaté en tout cas des chercheurs australiens. Au moment de l'ovulation, nos goûts changent, ils sont modifiés. on se goinfre en fait de douceur. Chez la femme, le goût de la mère reste inchangé, quel que soit le moment du cycle. Par contre, la perception du goût du sucré diminue. Et évidemment, mais ça nous perd, car pour conserver le même niveau de sensation, on a tendance à consommer encore plus de choses sucrées. Heureusement, ça ne dure que quelques jours par mois. Alors après les excès, eh bien essayez de rétablir le tir avec une bonne hygiène de vie. Françoise de Paris, qui habite dans le 7e arrondissement, nous écrit, elle nous dit « On dit que le stress peut donner du ventre, est-ce vrai? Malgré un régime draconien, je désespère, que faire ?» Alors aux États-Unis, on vient de mettre en évidence le fait qu'il y ait un lien entre l'obésité androïde, donc l'obésité du haut du corps, et le stress. On a donc comparé deux groupes de femmes rondes, celles qui ont du surpoids sur le haut du corps et celles qui sont du type génoïde, donc qui ont plutôt les tendances jambes lourdes et culottes de cheval. Et à la suite de cette enquête, eh bien on a remarqué que le stress provoquait une sécrétion importante de cortisol. C'est une hormone surrénalienne, alors qui agit donc sur la répartition des graisses et les place plutôt au-dessus de la ceinture. Alors c'est évident, Françoise, si vous êtes du type androïde, il faut vous calmer, hein, vous déstresser, faire des exercices pour vous décontracter le plus souvent possible pour récupérer un ventre plat. Et puis, attention, trop de surpoids sur le haut du corps prédispose aux maladies cardiovasculaires. Donc attention, conseil d'amis, vous messieurs qui écoutez ce matin, essayez de perdre vos poignées d'amour trop encombrantes. Voilà Alexandra, à demain, on se retrouve demain matin à 9h. Bonne journée. Merci beaucoup Marie-Pierre, à demain. Qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui... Nous allons parler d'amour sur le programme Chérie FM avec Hôtel Amper et Art Mango. Nous allons l'écouter dans un instant. Quelle magnifique chanson. Je vous conseille vivement, en tout cas pour ces fêtes qui approchent, d'avoir comme idée cadeau d'acheter l'album d'Hôtel Amper où il y a pas mal de chansons qui ont été écrites par Art Mango, car il est magnifique. Un extrait tout de suite, c'est sur le programme Chérie FM. Chérie FM présente Glenn Miller. Le plus grand orchestre du swing. En CD et cassette. Papa Noël, il existe! Mais oui, tu peux lui téléphoner ou Lumini Télé aux Trois Suisses jusqu'à dimanche. Ah, j'en étais sûre! Tu dis Papa Noël, c'est le mot de passe, et les Trois Suisses te feront moins 25% sur ton article préféré dans tout le catalogue jusqu'à la page 923. Et le joujou? Moins 25% aussi. Et ça te plairait s'il pouvait te livrer en 24 heures? Oh oui, mais pourvu qu'il n'attrape pas froid à cause de moi. Quelle mignonne! Catalogue Trois Suisses, le chouchou. Voici comment j'ai découvert mon café Lavazza. Un jour, j'ai interrogé un ami sur le plaisir qu'il avait à boire son café. Je lui ai demandé pourquoi il humait avec tant de plaisir ce café. Il ne répondait pas. Il buvait son café à petites gorgées, comme s'il éprouvait une infinité de sensations. J'ai insisté, il m'a souri en me tendant une tasse de Lavazza. Café Luigi Lavazza. Bien choisir, bien vivre. Imaginez, vous entrez chez votre marchand de journaux et vous lui donnez 3 francs. Et lui, en échange, il vous donne le premier numéro de J'aime cuisiner et même le second. On rêve, non? Un soir d'avant-tempête, parler d'amour. Parler d'amour, comme un jeu du surnom quand la mer est muette. De ces amours qui poussent entre deux cœurs en doux. Ne pas parler cirée sous les regards amertus. Comment se cache, parler d'amour de ces amants trop clairs pour laisser sur la pierre. La blessure insolite de nos amours maudits. Parler d'amour. Parler d'amour. Pas de CN caché au lendemain des rêves. Serré comme des tranchants de glaive. Heart, it will astound. Les yeux par terre, toi t'avais toujours le nez en l'air, et c'est comme ça qu'on s'est connus. On avait chacun sa guitare, on n'était pas loin d'une gare, c'est le hasard qui l'a voulu. Et tu m'as dit quand leurs ailes sont mortes, les papillons vont où le vent les porte, on a pris le premier chemin venu. Et quand la nuit tombé sur la voie ferrée, on était bien loin de la ville, on n'entendait que des notes et le bruit de nos bottes sous la pleine lune immobile. On a traversé les semaines comme de vraies fêtes foraines sans même penser au retour. T'es perdu dans les nuages, comme les oiseaux de passage, à suivre les filles d'un jour. Et pour ne pas que des fous nous renversent, on prenait des chemins de traverse, même s'ils ne sont jamais les plus courts. Et quand la nuit tombait sur la voie ferrée, on était bien loin de la ville. On entend et le bruit de nos bottes sous la pleine lune immobile. Et quelquefois je me souviens de ceux qui nous ont lâché les chiens et jeté des pierres au visage. Ils n'ont rien empêché quand même, puisque le seul métier qu'on aime, c'est la bohème et le voyage. Et quand la nuit sur la voie ferrée, on sera bien loin de la ville, on n'entendra que des notes et le bruit de nos bottes sous la pleine lune immobile. Et quand la nuit va tomber sur la voie ferrée, on sera bien loin de la ville, on n'entendra et le bruit de nos bottes sous la pleine lune immobile. Sous la pleine lune immobile. 16-1-42-48-50-50, 16-1-42-48-50-50, le top standard de la deuxième demande express est lancé. Vous êtes le 54e à nous joindre ce matin. Vous serez donc sélectionné. Sachez aussi que pour la personne qui sera donc sélectionnée au standard, eh bien vous allez pouvoir gagner un petit livre traitant de votre thème astral avec les prévisions pour 94. Ça peut toujours servir, petit livre qu'il vaut mieux garder sur soi. Vous nous écoutez à Bastia sur 92.7, vous nous écoutez à Gaillac sur 89.5 ou encore au Mont d'Or sur 91.3. Sachez que si vous voulez avoir plus de précisions sur les villes dans lesquelles nous émettons, vous pouvez nous appeler 16 1 42 48 50 50 ou encore tapoter sur votre Minitel 3615 Chérie FM. « Depuis plus d'un siècle, le Dagorno conjugue légende et gastronomie à des prix délicats. Vous pouvez hésiter entre une assiette de fruits de mer et une salade au copeaux de foie gras. Choisir entre un navarin de poisson aux herbes fraîches ou une cuisse de canard confit. C'est pour 158 francs le menu Dagorno, dessert et vin compris. Le Dagorno, c'est 190 avenue Jean Jaurès à Paris. Pour vos déjeuners d'affaires, vos dîners ou souper après spectacle, sur les accords d'un piano jazz réservé au 40 40 09 39. Un voiturier prendra soin de votre véhicule. Salut, ici c'est Jean-Marc, je cherche du boulot. Qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir ? Bonjour, je m'appelle Sylvie, j'ai rencontré Alain, né le 15 août 1960. Va-t-on vivre ensemble ? Pour une réponse claire et rapide, appelez le 3670 43 43. Le premier service d'astrologie et voyance grand public vient d'ouvrir. Au 3670 43 43, Didier Valéry, notre astro-voyant, répond à vos questions en 2 heures. 3670 43 43, essayez-le dès maintenant, l'appel ne vous coûtera que le prix du téléphone. Ça alors, c'est incroyable. La Réunion, 3800 francs, les Antilles, 2600 francs, Bangkok, 3980 francs. Et moi qui hésitais à partir en vacances, et c'est pas fini. New York ou Montréal à 1980 francs, Mexico, 3500 francs, Tenerife, 1100 francs. Et en plus, tous ces prix Look Charter à date bien précise sont aller-retour. Vite, ma valise. Look Charter, chez Charter Plus, téléphone 44 09 06 22, 44 09 06 22. Ou tapez tout de suite le 3615 InfoVol. Il s'appelle Bajou. Il était devenu riche, très riche. Mais l'argent, c'est comme le vin, ça fait tourner la tête. Ça vous donne même le courage d'épouser la plus belle femme de Tunis. Est-ce qu'on peut obliger...